Vous qui entrez ici, laissez toute espérance. Peut-on lire au chant 3 de la Divine Comédie de Dante ? Et pour cause, nous sommes aux portes de l'enfer et ce que le narrateur s'apprête à voir est au-delà de ce que son imagination peut lui présenter. Rédigé au début du XIVe siècle, ce long poème de Dante a marqué durablement la représentation que nous nous faisons de l'enfer aujourd'hui. L'enfer sur terre, l'enfer sous terre, au sens propre et au sens figuré. Mais à quoi peut bien ressembler cet enfer ? Visite guidée cette semaine en compagnie des meilleurs maîtres et on commence au début du texte, avant d'arriver aux portes de l'enfer, quand l'espoir semble encore permis, tant de beauté. Écoutez. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarita. Ai quanta dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura, tante amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò dell'altre cose chi vo scorte. Io non so ben ridir com'i v'intrai, tanti era pien di sonno, a quel punto che la verace via abbandonai. Nous y sommes en enfer avec Dante et avec ACDC. Bonjour Pierre Bourette. Bonjour Adèle Vanrette et heureux de vous retrouver. Bienvenue chez vous. Et moi donc. Très heureux d'être là le jour de votre retour et pour parler de Dante. Et pour parler de l'enfer de Dante. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin en effet. Vous êtes philosophe, hein, je vous présente, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales où vous avez consacré un séminaire de recherche cette année à Dante, car il faut préciser que nous fêtions en 2021 le 700e anniversaire de la mort de Dante. Est-ce qu'on peut dire que l'enfer a pris une ride ? Quelle étrange question. Ouais. Disons, je suis en train de faire un séminaire qui a commencé en novembre et qui est parti qu'un petit navire, comme dirait Dante lui-même. J'ai commencé un séminaire sur Dante. Mon séminaire n'était pas prévu pour être sur Dante. Il devait être sur période tout petit peu postérieure, à partir de Pétrarque et jusqu'à Marcille Ficin, sur la Renaissance. Avec Dante, on n'est pas encore sur la Renaissance. Mais il m'est arrivé cet été, je ne veux peut-être pas raconter pourquoi, ça n'intéresse que moi, de me replonger dans Dante. Ça, c'est quelque chose qui peut intéresser tout le monde. C'est que quand on réouvre la comédie, on risque d'être happé par le texte, et tellement happé par le texte qu'on risque peut-être pas de ne pas s'en relever, mais en tout cas, ça c'est important à dire parce que beaucoup de gens peut-être peuvent avoir l'impression a priori que c'est un texte difficile, que c'est un texte du Moyen-Âge, que c'est un thème qui n'est pas forcément très, très facile. Ça n'est pas un livre difficile, en tout cas Dante n'a pas voulu en faire un livre difficile, et puis donc j'ai été happé au point de, 8 jours avant le début de mon séminaire, dire bon bah écoutez, on met de côté le projet Antiquité de la Renaissance, etc. Et puis j'ai envie de parler dedans pendant sa séance de séminaire. Non, c'est très intéressant ce que vous dites parce que justement ça montre qu'il y a une forme de j'ai pas envie de dire d'actualité du texte, mais de lien entre ce texte et quelque chose qui serait plus contemporain. Il faut bien garder en tête que la Divine Comédie de Dante, dont on va parler cette semaine en s'intéressant surtout à l'enfer, elle est justement composée de 3 moments distincts, l'enfer, le purgatoire et le paradis. Et ce que nous nous apprêtons à découvrir dans cet enfer, est quelque chose, des images, des sons, une langue qui a complètement façonné notre imaginaire de l'enfer aujourd'hui. Oui. Alors d'abord, la langue de Dante, merci d'avoir commencé par cette magnifique lecture des 10 premiers vers en italien. La langue de Dante est une langue magnifique et est une langue qu'il invente en quelque sorte. C'est un italien qui l'invente. C'est un italien qui l'invente. À son époque, l'italien n'existe pas. Donc début du XIVe siècle. Il y a, voilà, dernières années du XIIIe et début du XIVe siècle, il y a des parlers italiens. Il y a un parler florentin, évidemment. Il y a un parler de Mantoue. Il y a un parler sicilien. Dante a écrit un livre là-dessus. Dante a écrit un livre qui s'appelle De l'éloquence en langue vulgaire, un traité défendant la langue vulgaire. Vulgaire ne veut pas dire vulgaire, péjoratif, c'est pas un terme péjoratif. Il lui sera reproché, y compris par des gens qui le défendront, d'avoir écrit toute sa poésie et la comédie en vulgaire, et non pas en latin, qui était la langue des savants, qui était la langue de l'Église. Qui était c'est pareil pour Descartes plus tard, hein, quand voilà. Il écrit en français. Mais là, c'est très tôt. On lui a reproché très vivement. Il a écrit ce traité, qui est un traité extrêmement intéressant, qu'il écrit en latin parce que c'est un traité savant, qui commence par une enquête sur les différents parlers italiens, et il fait une proposition de, pas tout à fait de canonisation, mais il propose une langue qui est, au fond, devient la langue d'aujourd'hui. Ce qui fait que un étudiant ou une étudiante italienne ou qui lit aujourd'hui la comédie n'a pas besoin d'annotation linguistique. Si vous lisez un texte de vieux français de la même époque, si un lecteur anglo-saxon lit Chaucer, par exemple, il a besoin de notes purement lexicales, parce qu'il y a des mots qu'on ne reconnaît pas. Un italiophone d'aujourd'hui n'a pas besoin de notes lexicales. Il a besoin de notes historiques. Il a besoin de, mais pas de notes lexicales. Dante parle une langue qui à son époque est jeune, qui est moderne. Et une langue aussi, ça c'est très important pour la traduction, une langue qui est une langue, la langue de tout le monde. La langue. Mais c'est d'ailleurs ce qu'il souhaite. Il souhaite que ce poème puisse s'adresser à tout le monde. Et je disais le narrateur en introduction. On découvre son prénom, donc on se doute bien que c'est Dante lui-même. Il y a quand même l'idée que ce narrateur-là puisse être vous, moi ou n'importe qui. Absolument. Hein, il s'adresse à tout le monde et à n'importe qui. Très beau propos dans un de ses livres antérieurs qui s'appelle Le Banquet, qui est un livre de philosophie. Il est le premier auteur à penser à la question du public, ouais, à imaginer un public. Très belle phrase dans le Banquet où il dit « Je veux écrire pour de nobles personnes, hommes et femmes, qui chacun et chacune, j'y insiste parce qu'aujourd'hui on se croit obligé de ah, il dit lui-même chacun chacune. Hommes et femmes, chacun et chacune. Ça c'est très important, y compris quand il faudra se demander qu'est-ce qu'il veut faire avec cette comédie, à qui il s'adresse et comment et pourquoi, il et pourquoi c'est une comédie. Je vous propose qu'on commence, on a entendu le texte en italien. Voici évidemment, on va entendre le texte en français, donc la traduction ici de Jacqueline Risset, lue par Georges Claes. Et alors écoutez, on commence, eh bien finalement, en plein milieu. Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais par une forêt obscure, car la voie droite était perdue. Ah, dire ce qu'elle était, chose dure, cette forêt féroce et âpre et forte qui ranime la peur dans la pensée. Elle est si amère que la mort l'est à peine plus. Mais, pour parler du bien que j'y trouvais, je dirais des autres choses que j'y ai vues. Je ne sais pas bien redire comment j'y entrais, tant j'étais plein de sommeil en ce point où j'abandonnais la voie vraie. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous sommes en plein enfer, l'enfer de Dante, la première partie de la Divine Comédie de Dante. Aujourd'hui, notre guide est le philosophe Pierre Bourrette. Vous venez d'entendre les quelques lignes qui ouvrent ce poème magnifique. Au milieu du chemin de notre vie, il dit bien de notre vie, c'est donc il s'adresse à tous. Et l'on entend ici qu'il fait référence à une période de sa vie dans laquelle il erre, il ne sait pas où aller, et il se trouve dans cette forêt obscure. Elle est donc cette obscure forêt, Pierre Bourrette, qui est presque aussi amer que la mort, dit-il. Alors, lire la comédie, c'est proposer faire une proposition de lecture qui sera une proposition d'interprétation. Ça commence dès la forêt obscure. Une manière classique qui commence dès l'époque de Dante. Il faut savoir que Dante est un auteur qui a été commenté pas tout à fait de son vivant, mais par ses fils. Et ensuite, la comédie a été commentée, le nombre de commentaires qu'il y a jusqu'à la fin du Quattrocento, presque jusqu'au début du XVIe siècle. Après, il y aura une éclipse dedans. Vous pensez bien que l'Italie de la Contre-Réforme ne va pas aimer la comédie. Mais en tout cas, le texte a toujours été commenté à des commentaires. Mmh. Une des manières, la proposition de lecture, qui pendant très longtemps a été la plus développée, la plus défendue, forêt obscure. Qu'est-ce que c'est ? La forêt obscure, c'est le monde terrestre, c'est le monde du péché. Dante est égaré dans cette forêt obscure. Allons-y, on met en place une lecture, une interprétation qui, disons schématiquement, va faire de la comédie un long voyage qui va le tirer hors du monde du péché pour le conduire vers le monde, vers le paradis, vers la béatitude, vers la vision ultime du dernier chant. Mmh. Mais sinon le reste, c'est pas un texte contemplatif, c'est pas un texte méditatif, c'est tout à fait autre chose. Donc, bon, voilà. Moi, ce que j'ai plutôt envie d'accentuer, d'abord parce qu'on a entendu le texte, hein, ouais. J'espère qu'on a bien entendu, parce que Dante a inventé une structure formelle extrêmement contraignante, le terzetto. Tout le texte est écrit dans une structure de trois vers qui se succèdent. Il n'en manque pas un, il n'y en a pas un de trop. 100 chants, répartis en trois cantiques. Au bout du compte, comme il y a 3 fois 33 chants, mais qu'il y a ce premier chant qui est une sorte de préambule en termes littéraires. Ça fait 100. Voilà, ça fait 100, ce qui n'est pas un chiffre tout à fait pris au hasard. Une structure formelle très très stricte, une contrainte rythmique très très stricte, ce qu'on appelle la terza rima, c'est-à-dire que c'est pas vrai des trois premiers vers. Les trois premiers vers, nostra vita, selva oscura, eras marita, mais à partir du second tercet, c'est une structure où, je le lis, dura, forte, paura, molte, trovai, scolte. La rime qui est au milieu des trois va être la première du tercet suivant. Ce qui est un excellent moyen mnémotechnique, en fait. C'est un moyen mnémotechnique. Et c'est un moyen aussi d'emporter le lecteur. Ouais. Et une des qualités d'une bonne traduction de la comédie, à mon avis, c'est d'une part d'utiliser une langue moderne, d'aujourd'hui, la nôtre, parce que Dante utilise une langue moderne de son époque pour un public dont on a déjà dit quelques mots. Mm-hmm. Et puis, c'est de trouver un artifice pour rendre dans la langue, en français pour nous, le rythme, le fait que la texture même, la matière même du poème, par cette contrainte linguistique, poétique, fait que c'est un texte dans lequel on avance, on avance, on avance. Et c'est vrai qu'on est happé. Quand on a envie qu'on s'arrête un moment, il dit « j'étais tellement épuisé que je me suis effondré ». Ou il dit, oui, c'est ça. « Je me suis endormi et j'ai fait un rêve ». Sinon, le texte est fait pour qu'on y entre et qu'on avance et qu'on ne s'arrête avec jamais. Avec le corps du narrateur avec qui, en corps, effet, s'évanouit, voilà. Tombe de sommeil, voilà. Se réveille, on souffre avec lui, voilà. On sent avec lui. Et vous avez très bien dit déjà aussi qu'il est narrateur et auteur. C'est ça. Ça, c'est une très grande nouveauté. Il est le premier écrivain à se mettre en scène dans le récit dont il est le héros, comme celui qui écrit. Ça, on va le voir se mettre en place petit à petit. 20 fois dans la comédie, il va s'adresser au lecteur. Toi, lecteur, toi, mon lecteur, vous, mes lecteurs. Le narrateur, enfin, le livre dont il est le héros, d'où d'ailleurs le jeu vidéo, qui est inspiré directement de l'enfer de Dante, dont on parlera jeudi avec Didier Ottaviani, entre autres, pour montrer à quel point cet enfer-là et cette structure narrative a influencé toute la culture occidentale jusqu'à aujourd'hui. Juste une hypothèse de lecture, Pierre Bourrette, vous disiez Forêt obscure, c'est sans doute les péchés dont le narrateur va essayer de s'éloigner pour atteindre le paradis. On peut aussi voir une dimension vraiment morale et philosophique dès le début de ce texte. On peut penser à Descartes qui montre comment le voyageur perdu dans une forêt, bah, finalement, pour s'en sortir, il faut mieux aller tout droit, et l'éthique de Descartes repose là-dessus. Ici, c'est exactement pareil. Ce narrateur cherche un guide. Il a perdu la voie droite, il cherche un guide qu'il va rencontrer peu de temps après, hein, au chant 2, Virgile, on fera sa connaissance, puis celui-ci passera le relais ensuite. Mais c'est aussi l'histoire d'un homme qui est perdu au milieu de sa vie, comme nous tous, j'ai envie de dire. Comme de notre vie. De notre vie, notre, c'est ça. Nôtre, et qui cherche des guides, au fond. Oui, n'est-ce pas notre cas à nous tous? Absolument. Quand je disais proposition de lecture, je résumais, une proposition de lecture qui au fond n'est pas la mienne, celle qui consiste à dire « forêt obscure veut dire le monde du péché, celui qui va le sauver c'est pas un poète latin païen, c'est une allégorie de la raison, et puis celle qui prendra le relais, ça n'est pas une femme charnelle, cette femme qui l'a passionnément aimée, c'est une allégorie de la foi. » Dante est un homme du Moyen-Âge, il croit à la raison, mais il pense qu'il... C'est pas la proposition de lecture que j'ai envie de faire. Hein. La proposition de lecture que j'ai envie de faire, ben on en a déjà dit beaucoup. Hein. C'est de d'abord s'attacher à cette extraordinaire langue, à cette extraordinaire manière de mettre en place un poème qui va avancer. C'est, si on voulait prendre une métaphore cinématographique, la comédie, c'est un très long travelling avant. On ne s'arrête jamais. On s'arrête parce qu'il y a des moments où Dante s'arrête sur une scène, il va décrire des personnages. Mais c'est un long travelling avant, on ne revient jamais en arrière, c'est un texte sans montage. Et ce sur quoi j'insisterai là, c'est, on a entendu, hein, dire ce qu'elle était, trois vers plus bas, je dirais, deux vers plus bas, comment redire ? Voilà déjà Dante en train de mettre en scène le présent, comment exprimer ce que je suis en train de voir, la promesse de dire beaucoup d'autres choses, et comment redire ? Là, c'est le Dante écrivain. Là, c'est le Dante qui est devant son parchemin avec sa plume et qui dit comment je m'y prends pour redire ce que j'ai vécu pour vous, justement, pour mes lecteurs. Il faut suivre le travelling avant, justement. Enfin, avant, c'est pas sûr parce qu'il y a un mouvement aussi très vertical. Nous, on descend en enfer ce matin, oui, quand même. Ça, c'est... Donc, on va faire un mais pas de plus. La caméra ne s'arrête pas. Voilà, c'est ça, vers le bas. D'abord, on parle de la comédie. Même si on n'a pas lu le texte, on se demande ce qu'il y a de comique dans ce texte. Donc, un mot sur ce que signifie comédie. C'est Giorgio Agamben qui va le dire. Et puis, il est temps de rencontrer notre guide. La culture italienne naît sous les signes de la comédie. On n'a jamais réfléchi assez pourquoi Dante a appelé son poème comédie. Comédie. Là, il a fait un geste qui a marqué toute la culture italienne. C'est un geste profondément anti-tragique. C'est un geste qui affirme l'impossibilité de la tragédie dans l'époque moderne. Et bon, après, on a ajouté l'adjectif divine, là, justement, parce que on ne savait pas quoi faire de cette comédie. Ça ne semblait pas assez noble qu'une tradition commence sous le signe comique. Dante, c'est un auteur comique dans ce sens. Tandis que je glissais vers le bas lieu, une figure s'offrit à mes regards, qu'un long silence avait tout affaibli. Quand je la vis dans le grand désert, « Miséréré de moi !» je lui criai, « Qui que tu sois !» « Ombre ou homme certain ?» Il répondit. « Homme ne suis, homme plutôt je fus. » Et mes parents furent lombards, mantouans tous deux de patrie. Je naquis sub Iulio, quoiqu'il fût tard, et vécus sous le grand Auguste, à Rome, au temps des dieux faux et menteurs. Je fus poète, et je chantai le juste fils d'Anchise, qui vint de Troie, quand l'orgueilleux Ilion fut en flamme. Mais toi, pourquoi retournes-tu vers cette angoisse? Pourquoi ne vas-tu pas à la douce montagne qui est principe et cause de toute joie? Es-tu donc ce Virgile et cette source qui répand si grand fleuve de langage? Lui répondis-je avec la honte au front. Oh, lumière et honneur de tous les poètes! Que m'aide la longue étude et le grand amour qui m'ont fait chercher ton ouvrage. Tu es mon maître et mon auteur, tu es le seul où j'ai puisé le beau style qui m'a fait honneur. Vois la bête pour qui je me retourne. Aide-moi contre elle, fameux sage, elle me fait trembler le sang et les veines. Mais toi, pourquoi retournes-tu vers cette angoisse? Je vous pose la question, Pierre Bourette, en vous voyant évidemment, parce que la question se pose quand on lit le texte, il y a cette envie d'aller au fond de l'angoisse. C'est un texte qui est comme une espèce de remède au déni. Il faut voir les yeux grands ouverts ce qu'il se passe lorsqu'on est en enfer. Et donc cette angoisse, de quoi est-elle vraiment le nom, pensez-vous? Alors, il faut voir, il faut aller jusqu'au bout de l'enfer, si on peut dire. Dante met en scène le fait qu'il a du mal à dire, qu'il a du mal à redire, qu'il a du mal à écrire. Il faut attendre, je crois, le chant 15 pour qu'il utilise une première fois le terme écrire, dans la mise en scène de voyageur et l'écrivain. Ben, le fond de cette angoisse, c'est au fond l'effroi que peuvent susciter un certain nombre de choses de la vie humaine. Le coup de génie de Dante, c'est ce qui va apparaître, j'allais dire ce qui va apparaître demain, ce qui va apparaître dès demain quand vous commenterez le livre 5, le chant 5, où on va voir apparaître pour la première fois un personnage historique. Dante, une fois prise cette structure, enfer, purgatoire, paradis, aurait pu peupler le monde de l'enfer de personnages mythologiques. Il connaissait Ovide par cœur, il pouvait trouver chez Ovide 1000 personnages qui auraient figuré les fautes pour lesquelles sont punis les gens qu'il va croiser en enfer. Il y en a quelques-uns, mais non, il va surtout y mettre des personnages historiques. Oui. Francesca da Rimini, qu'on va voir demain, c'est une femme dont le sort va nous provoquer une émotion extraordinaire. Aller au bout de l'enfer, ça va être prendre, en allant, selon la démarche de la théologie chrétienne, en allant des péchés mineurs jusqu'aux péchés les plus abominables, le fond de l'enfer, ce sera Lucifer. Bon, mais pour mettre ça en scène, pour faire voir ça, Dante va aller essentiellement chercher des personnages historiques, des personnages de son temps, oui. Certains qui sont des personnages très connus, qui ne le sont peut-être plus pour nous. C'est pour ça qu'une édition de la comédie doit être annotée, en particulier pour un lecteur français, parce que d'en tenir à ce que le lecteur sache que c'était des personnages historiques et sache un minimum sur leur vie pour qu'ils comprennent pourquoi ils étaient là. Donc aller au bout de l'enfer, c'est aller au bout de l'angoisse, c'est aller creuser jusqu'au fond du fond de l'âme humaine, essayer d'aller chercher les fautes, mais ça c'est un terme peut-être trop théologique justement, aller chercher dans les tréfonds de l'âme humaine les choses les plus abominables. C'est pas sans raison que Primo Levi, dans son camp, se souviendra du chant d'Ulysse. Et ces pages magnifiques qui s'appellent justement le chapitre qui s'appelle Le chant d'Ulysse, où il essaye d'expliquer à son ami français le naufrage d'Ulysse au chant 17, je crois. On en parlera mercredi prochain de ça. Voilà, donc laissons-le. Mais là, le point extraordinaire, c'est que Primo Levi nous raconte de façon magnifique que sa vie, mais authentiquement, dépend de ce qu'il va ou non retrouver un mot qui lui manque dans le texte qu'il lit de mémoire à son ami français qui ne comprend pas l'italien. Pendant qu'il est en camp de concentration. Hein. Bien sûr, oui, pardon, je l'ai pas rappelé. Il est en camp de concentration. Quand je parlais du sens, l'enfer au sens propre et au sens figuré. Absolument, j'aurais dû rappeler ça, oui. C'est pas pour rien non plus qu'un immense poète russe soviétique, Ossip Mandelstam, a écrit aussi un magnifique texte. Les références sont la comédie. Presque innombrables. Hein. C'est pas un hasard si des hommes qui ont vécu le plus intense de l'horreur du XXe siècle ont vécu presque ce que nous raconte Primo Levi, survécu grâce à Dante. Et on va voir, parce que c'est aussi tout le mérite de ce texte, on va voir ce qu'il décrit de l'enfer. Et les images sont assez insoutenables à lire, à regarder, puisque ce texte a été illustré par Botticelli, par Gustave Doré. On va y venir. Il faut quand même présenter ce Virgile. On va présenter. Hein, on a entendu un extrait du premier chant, la rencontre avec Virgile. Qui est-il et pourquoi se présente-t-il comme étant le meilleur guide pour Dante, enfin pour le narrateur au début du texte, Pierre Boretz? Alors, pourquoi se présente-t-il comme le meilleur guide? J'ai envie de reformuler la question. Pourquoi Dante se choisit-il pour celui qui va le guider à partir de la fin du premier chant jusqu'au chant 30 du Purgatoire, pendant les deux tiers du livre? Pourquoi choisit-il Virgile? C'est quoi Virgile? Pour nous, c'est une évidence. Pour nous, Virgile est le plus grand poète de l'Antiquité latine. Dante choisit comme guide dans son enfer son maître en poésie. On l'a entendu le dire. Hein. Mmh. Tu es ma lumière. Non, tu es mon maître et mon auteur. Au passage, il a dit tu es ma lumière parce que c'est là que j'ai puisé le beau style qui m'a rendu célèbre. Bon, pour nous, c'est une évidence. Dante prend pour modèle le plus grand poète de l'Antiquité. Milton prendra Dante comme modèle pour son paradis perdu. Et puis on peut dérouler ça jusqu'à Joyce qui prendra et Homer et Dante comme modèle. Mais ça, c'est une réponse que nous avons, nous, qui avons devant nous la bibliothèque complète de la littérature occidentale. Pourquoi Dante se choisit Virgile? À vrai dire, c'est énorme ce choix. À vrai dire, c'est énorme le choix qu'il choisisse, lui qui vit en plein Moyen-Âge, ce que nous appelons le Moyen-Âge. Mais il ne sait pas que c'est un Moyen-Âge, mais il ne pense pas qu'il est dans un Moyen-Âge. Il est dans un monde chrétien, il prend une structure dans la théologie chrétienne, dans l'imaginaire chrétien. Il se choisit pour guide un poète païen, qui a bien précisé lui-même, je suis de Mantoue, je suis né sous Giulio, c'est-à-dire sous Jules César, j'ai vécu sous Auguste. Il nous précise bien qu'il est un personnage historique, il est un païen. Ça, c'est une chose énorme de se choisir ce type de personnage. Il aurait pu choisir Thomas d'Aquin, par exemple. Il aurait pu choisir Augustin. Pétrarque, par exemple, si un demi-siècle plus tard, si Pétrarque avait eu cette idée, il aurait choisi Augustin. Augustin qui a toujours été son surmoi théologique, celui qui l'a guidé, mais qui l'a aussi beaucoup réfréné. Non, Dante choisit Virgile, un poète païen. Ensuite, on va voir au chant suivant, non pas mise en scène, parce qu'elle n'entre pas en scène, mais mise en intrigue, Béatrice, son second guide, celle qui va passer la main à Virgile au chant 30 pour rentrer au paradis, du purgatoire, à l'entrée du paradis terrestre, pour le guider jusqu'à l'antépénultième chant du livre. Ce n'est que dans les deux derniers que un saint, Saint Bernard, sera l'ultime guide de Dante. Il choisit une femme. Mais alors, femme qui est une simple mortelle, qui n'est pas une héroïne chrétienne. Alors pourquoi sainte, divine comédie? C'est ce que disait Agamben. Hein, on a dit divine pour essayer d'atténuer le côté farcesque du mot comédie. Alors, je serais tout à fait d'accord avec Agamben sur le fait que c'est un texte anti-tragique. Alors là, c'est pas la peine de développer, il a tout à fait raison. En quel sens comique? Bon, on va pas entrer là-dedans. Pour moi, c'est pas comique au sens, c'est pas Molière. On n'éclate pas de rire en le lisant. Faut pas oublier que le terme comédie, Dante lui-même l'utilise deux fois dans le poème, hein, dans l'Enfer, Enfer 16, et sur les vers de cette comédie, mon lecteur, je te jure, adresse au lecteur, hein, comme je disais tout à l'heure. Et puis, plus loin, tout petit peu plus loin dans l'Enfer, en parlant d'autre chose que ma comédie n'a pas le souci de chanter. Donc c'est lui qui donne à son livre, de facto, le titre de comédie, de même d'ailleurs qu'il propose... qu'on l'appelle non pas Dante Alighieri, ce qui est son nom, mais Dante. Parce que quand Béatrice va arriver, elle va l'interpeller en disant Dante. Très vite, le nom d'auteur de Dante, ce sera son prénom. Et d'ailleurs, ça a donné dantesque, l'adjectif dantesque. Ça donnera dantesque. Qu'est-ce qu'on entend par dantesque? Alors, attendons une seconde. Quand on va entendre de la musique, par exemple. Je promets de répondre à la question. Là, ce que je voudrais noter, une chose très belle qu'on a entendue là, quand Virgile arrive, qui es-tu, ombre ou homme? Ça met en place quelque chose qui est une des choses les plus belles littérairement du livre, qui est le fait que Dante, jusque presque la fin du purgatoire, va voyager parmi des ombres. Mm-hmm. Il est le seul vivant parmi des ombres. Quelques vers absolument magnifiques où il dit, par exemple, à un moment... Je découvris d'un seul coup, ils marchent avec Virgile, ils ont le soleil dans le dos. Je découvris d'un seul coup qu'il n'y avait qu'une ombre. La mienne, bien sûr. Virgile est à ses côtés, Virgile c'est une ombre n'arrête pas le soleil. Plus loin, un personnage lui dira, toi dont le corps fait un mur au soleil. Donc il va y avoir tout un jeu absolument magnifique sur le royaume des ombres. Qu'est-ce que c'est que d'être un vivant parmi les ombres? Certains des personnages vont le reconnaître parce que justement il a un corps et qu'il n'en a pas. Dante d'ailleurs ne va pas poser la question, mais va la résoudre, la question de savoir qu'est-ce qu'une ombre? Qu'est-ce qu'une ombre qui parle? Qu'est-ce qu'une ombre qui a des émotions? Qu'est-ce qu'une ombre dont Dante va voir l'émotion? Avec qui il va parler, avec qui il va y avoir des dialogues. Il y a une question, il y a un vrai problème philosophique et Dante le résoudra d'une manière extraordinairement subtile. Je ne vais pas le développer maintenant, mais il construira une théorie du corps aérien pour expliquer que des ombres, des hommes et des femmes mortes dans l'au-delà n'ont pas de corps, c'est lui qui a un corps, mais elles peuvent parler. Pourquoi? Il va faire une théorie du corps aérien. Voilà. Donc là, c'est une très grande subtilité philosophique du texte. Donc je voulais souligner ça. Qui es-tu, homme ou ombre? Ça va se répéter dans tout le poème, à chaque fois qu'il croise quelqu'un. Comment reconnaître? Il va y avoir tout un jeu de la reconnaissance des individus. Il a insisté aussi sur le fait qu'il est mantouan. Les gens se reconnaîtront à partir de leur langue. Allons, qu'as-tu? Pourquoi? Pourquoi t'attardes-tu? Pourquoi accueilles-tu lâcheté dans ton cœur? Pourquoi es-tu sans courage et sans tranquillité? Puisque les trois dames bénies ont souci de toi dans la cour du ciel et que mon parler te promet tant de bien. Comme fleurette inclinée et fermée par la gelée nocturne, quand le soleil t'éclaire, se redresse épanouie sur sa tige, telle j'émergeais de ma vertu lassée. Et tant de bon courage ressurgit dans mon cœur que je commençais en homme libre. Ô Clémente, celle qui m'a secouru, et toi, Courtois, qui obéis si vite aux paroles vraies qu'elle t'adressa. Tu as si bien, par ton discours, disposé mon cœur au désir d'aller que je suis revenu à mon premier dessein. Va donc, car nous avons tous deux un seul vouloir, toi, mon guide, mon seigneur et mon maître. Je lui parlais ainsi, et quand il s'ébranla, j'entrais dans le chemin dur et sauvage. Pourquoi cette symphonie, Pierre Bourette, nous rappelle étrangement la Divine Comédie de Dante? Parce qu'elle est écrite sur Dante. Parce que c'est une des deux pièces de Franz Liszt sur Dante, qui s'appelle Dante Symphony. Il y a aussi, je ne sais pas si on l'écoutera, une pièce dans un très beau cycle de piano, qui s'appelle Après une lecture de Dante, titre d'ailleurs qui est emprunté à Victor Hugo. Si j'accumule un peu les noms là, c'est pour dire quoi? C'est pour répondre à votre question dantesque. Qu'est-ce qu'on entend là? Et là, on est au début. Si on avait le temps d'écouter, ça va monter en puissance, ça va monter en dramaturgie. On garde un peu, hein, quand même. Voilà, et puis ensuite, ça s'apaisera. Liszt avait prévu d'écrire trois mouvements, évidemment. Un paradis, un enfer, un purgatoire, un paradis. Et il se trouve qu'au moment où il faisait ça, il a rencontré un certain Richard Wagner qui lui a dit « Non, tu ne fais pas un paradis, on ne peut pas représenter le paradis. » Alors pour à la fois, malgré tout, se consoler et peut-être un tout petit peu se venger, Liszt n'a pas écrit un paradis, mais il a écrit un Magnificat. Voilà, ce qui Wagner avait autant d'influence sur Liszt que ça. Oui, il va devenir le gendre de Liszt. Donc, il va écrire un Magnificat. Donc, c'est ce qui fait d'ailleurs l'exécution de l'œuvre en question. Elle est rare parce qu'elle est difficile. Il faut un orchestre déjà très, très, très nourri, très fourni. Et puis, il faut un cœur de femme, un cœur d'enfant pour le Magnificat final. Si j'ai proposé cette musique, c'est justement pas pour répondre à votre donc question. Donc c'est dantesque. Ça permet de répondre à la question dantesque. Ça veut dire quoi? Grandiose? Dantesque, ça veut dire non, ça veut dire effrayant, effroyable. On peut entendre un journaliste sur un terrain d'opération de guerre spontanément dira j'ai vu des choses dantesques. Un journaliste en Syrie aujourd'hui ou devant des scènes de famine au Soudan aujourd'hui vous dira spontanément j'ai vu c'était dantesque. Bon. quand est apparu le terme, je ne sais pas, je ne saurais pas dire, poser peut-être la question à Carlo Sola, je ne saurais pas dire qui le premier, mais en tout cas c'est tard. En tout cas, c'est à une époque, celle de Liszt, celle de Gustave Doré, dont je crois qu'on va mettre une gravure sur le site. Là, il y a un point historique important, c'est, disons, le romantisme. Ouais. Pour aller vite. Bon. C'est le romantisme. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que après une longue éclipse de Dante, j'ai dit un mot tout à l'heure, hein, la contre-réforme en Italie, en France, Dante, la réception de Dante a été très retardée. La France s'est intéressée très tard à Dante. La Renaissance française s'est pas intéressée à Dante. En Angleterre, il a eu une fortune à peu près continue, mais pour des raisons qui tiennent à son antipapisme en partie, donc pour des raisons politiques. Bon. Mais Dante a un peu disparu de la culture européenne. Et puis, il est réapparu avec les romantiques. Donc, remercions-les. Mais il est réapparu. C'est un Dante Sturm und Drang. C'est un Dante tempête et passion. C'est un Dante de l'enfer. Les romantiques ont aimé le Dante de l'enfer, le Dante dantesque. Si on entend le début, les premières mesures de la pièce pour piano, on va voir que c'est la même chose, qui en fait d'ailleurs une des pièces réputées les plus difficiles à jouer pour les pianistes professionnels. Le romantisme a redécouvert un Dante qui était le Dante essentiellement de l'enfer. Et peut-être nous en sommes un tout petit peu prisonniers avec un lieu commun qui serait qu'aujourd'hui nous avons moins de sensibilité au paradis. Lieu commun qu'il faudra corriger. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a les deux chez Dante. Il y a le côté dantesque au sens où nous l'entendons aujourd'hui, infernal au sens premier du terme. Mais il y a aussi, et ce dès le début du texte qu'on a pu entendre, une grande finesse, une grande subtilité dans la manière d'appréhender et de jouer sur la gamme des sentiments. Absolument. On n'est pas uniquement, c'est pas ni manichéen, ni romantique au sens de qui déborderait, Absolument. Qui se priverait de toute forme d'oscillation. Il y a quelque chose d'extrêmement précis qui fait que le lecteur est doublement happé Absolument. Par la tempête du Absolument. Sentiment provoqué Absolument. Par l'enfer, mais aussi par la curiosité attisée par le choix des mots qui vient percuter exactement ce qu'il peut ressentir à ce moment-là. Le choix des mots et encore une fois le choix des personnages. C'est difficile de faire susciter l'émotion d'un lecteur contemporain, les lecteurs contemporains de Dante et a fortiori nous qui vivons 7 siècles plus tard. C'est difficile de solliciter la finesse des sentiments que vous évoquez sur des personnages mythologiques. Oui. Dès demain, vous allez voir que vous allez pleurer en entendant les divers dans lesquels Francesca da Rimini raconte à Dante pourquoi elle est là, pourquoi elle est dans l'enfer, dans les premiers cercles. Mais elle est dans le cercle des luxurieux, des gens qui ont soumis la raison aux sentiments, et ils sont condamnés, ces amants, à être dans un vent qui éternellement les rapproche et les écarte, les rapproche et les écarte. Là, il y a une vision dantesque, mais qui suscite une émotion, qui a une finesse psychologique, une précision psychologique absolument extraordinaire. Et tous ces personnages vont faire ça. D'où, une fois encore, l'importance des personnages historiques, dont Dante crée à la fois de l'effroi qu'il ressent, mais vous avez tout à fait raison, il a une finesse psychologique, y compris pour les personnages les plus abominables. Ugolin, auquel je faisais allusion tout à l'heure, c'est un personnage politique, c'est quelqu'un qui est dans l'avant-dernier cercle de l'enfer, il est puni pour trahison, il a trahi sa patrie, il a trahi la patrie qu'il avait, sa cité, la cité pour laquelle il l'avait trahi, il a trahi tout le monde. C'est un personnage abominable, on va le découvrir prisonnier pour l'éternité des glaces, on aura une forme de compassion pour lui. Donc, extraordinaire finesse à l'intérieur de ce monde dantesque de description des sentiments, de description de ses propres sentiments. À Dante. Dante utilise de très belles métaphores. Dans le passage que vous avez lu vous-même il y a un instant, vous avez entendu « telle une fleurette », etc. Le nombre de métaphores, on peut presque... Moi, j'ai une expérience que j'ai faite cet été, c'est de relire complètement, de retraverser complètement le texte en ayant les yeux rivés dans l'italien sur « così »,« come »,« così »,« come »,« così ». Dante est un extraordinaire inventeur de métaphores pour décrire un paysage, pour décrire les sentiments qu'il ressent, pour accompagner son lecteur qui l'emmène dans un monde extraordinaire, en lui disant, pour que tu comprennes, pense pour te faire une idée de ce lieu que, dans lequel j'arrive, pense à l'endroit où le fleuve Arnaud rencontre un autre fleuve. Pense à l'endroit où dans les Alpes, la neige fond, etc. Où quand pour exprimer ses propres sentiments, il invente de magnifiques métaphores. Alors celle que je préfère, la plus belle, c'est celle qu'il utilise pour exprimer son sentiment quand Béatrice arrive enfin. J'étais comme un enfant qui court vers sa mère lorsqu'il est triste ou qu'il a peur. Bon. Mais il y en a des centaines, et c'est là encore une manière de prendre le lecteur par la main et une manière de faire cette chose que vous décriviez très bien, qui est le à l'intérieur de ce monde, même dans le monde dantesque, même dans le monde de l'enfer, même dans le monde de l'effroi, de l'angoisse, de restituer, de décrire avec une extraordinaire finesse les sentiments, et aussi, c'est ça qui est étonnant, en mettant des personnages historiques dans le monde de l'au-delà, un sentiment extraordinaire de l'historicité de l'expérience humaine. Ça, c'est une chose extraordinaire de penser l'au-delà et de restituer l'historicité de l'expérience humaine. Ça, aucun poète antique ne l'a fait. Ça, aucun poète de son temps ou aucun écrivain de son temps ne l'a fait. Et peut-être qu'il n'y en a pas tant que ça ensuite dans l'histoire de la littérature. Nous voici aux portes de l'enfer. Pierre Borette, vous savez ce que vous devez laisser aux portes de l'enfer ? Toute espérance. C'est la porte de l'enfer. Par moi, on va dans la cité dolente. Par moi, on va dans l'éternelle douleur. Par moi, on va parmi la gente perdue. Justice a mû mon sublime artisan. Puissance divine m'a faite, et la haute sagesse et le premier amour. Avant moi, rien n'a jamais été créé qui ne soit éternel, et moi je dure éternellement. Vous qui entrez, laissez toute espérance. » Ces paroles de couleur sombre, je les vis écrites au-dessus d'une porte. Aussi je dis, « Maître, leur sens m'est dur. » Et lui, à moi, en homme qui savait mes pensées. Ici, il convient de laisser tout soupçon. Toute lâcheté, ici, doit être morte. Nous sommes venus au lieu que je t'ai dit, où tu verras les foules douloureuses qui ont perdu le bien de l'intellect. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous voici donc aux portes de l'enfer de Dante. On va ouvrir ces portes à mesure que la semaine avance et jeudi, vous ne serez pas au bout de vos surprises. Et ce que vous allez voir, c'est-à-dire ce que vous allez entendre, aura de quoi vous marquer l'imagination durablement. Pierre Borette, ce qu'il y a de bien avec ce texte, c'est que pour quiconque aurait du mal à comprendre ce que ça signifie, hein, même vous qui entrez, laissez toute espérance, eh bien, le narrateur pose la question à Virgile. Donc celui qui ne comprend pas est rassuré de voir que le narrateur lui-même va poser la question qu'il se pose. Et donc je vous la pose en effet. Que signifie ce texte que l'on trouve, ces paroles de couleur sombre écrites au-dessus d'une porte qui annonce à quoi ressemblera le voyage ? Alors n'oublions pas qu'on est au chant 3. Au chant 2, il s'est passé une chose décisive. C'est que Dante a mis non pas en scène, parce qu'il faudra attendre le chant 30 du Purgatoire pour qu'elle soit dans la scène, présente aux côtés de Dante, mais il a mis en intrigue le deuxième personnage essentiel, Béatrice. Par un procédé littéraire tout à fait original, parce que Béatrice ne peut pas être venue du paradis pour dire quelques mots à Dante et repartir et l'attendre à l'entrée du paradis terrestre. Donc il faut la mettre non pas en scène mais en intrigue. Il invente un procédé magnifique qui est un dialogue à l'intérieur du dialogue. Il dialogue avec Virgile et Virgile lui dit « Je vais te raconter que j'ai rencontré une femme très belle, les yeux riants, le sourire radieux, etc. etc. » Bon, juste pour que quand même on sache qu'avant d'entrer dans l'enfer, Dante sait qu'il y a cette femme, que c'est Béatrice. Béatrice est la femme qu'il a aimée, qu'il a pleurée, qui est morte, pour laquelle il a déjà écrit des rimes, pour laquelle il a écrit un livre qui s'appelle La Vita Nova, qui est un commentaire de ses rimes. Voilà, on est aux portes de l'enfer. Vous avez bien entendu, ce que on a bien entendu. Par moi, on va dans la cité de l'Orient. Par moi, on va. Par moi, on va. Dante dit trois fois « par moi ». Vous me demandiez qu'est-ce que ça veut dire ce qui est écrit. Entendons qu'avant que le lecteur comprenne que c'est écrit, il entend « par moi, Dante ». Dante crée... Non, on ne sait pas qui parle. Justement, ouais. On ne sait pas qui parle. Mais jusqu'à présent, dans le poème, la seule personne qui est dit « je », et dès les premiers vers, c'est Dante. Dante veut laisser entendre que c'est par moi, Dante. Il corrige immédiatement l'illusion en disant « je l'ai vu inscrit sur la porte de l'enfer ». Bon, il corrige l'illusion, sauf que l'illusion est la vérité, parce que c'est bien par Dante l'écrivain que l'on entre dans l'enfer et qu'on ira dans tout ce monde. Bon, voilà, cette parole écrite, ce qu'on en retient, hein, c'est « Laciate ogni speranza », « Vous qui entrez, abandonnez toute espérance ». Cette phrase, elle aura une fortune immense. Max Weber, par exemple, la cite dans... je crois, son livre sur l'origine du capitalisme, et il l'apprend peut-être même un peu tôt comme caractéristique de ce que sera l'homme moderne, l'homme du désenchantement du monde, abandonner toute espérance. Bon, Virgile, dans le chant 4, dans les limbes où il séjourne, c'est son lieu avec le reste des poètes païens, dira « nous sommes sans espoir et remplis de désir ». Voilà, c'est ça la situation des gens qui sont là, dans l'anté-enfer que sont encore les limbes. Voilà, là nous sommes en train d'arriver, nous sommes aux portes, non pas du paradis, mais aux portes de l'enfer. Avant d'entrer totalement dans l'enfer, il y a encore une antichambre qui s'appelle les limbes, c'est le chant 4. Là encore, chose extraordinaire de la part de Dante. J'ai envie d'insister sur l'énormité des choses que fait Dante. Les limbes à son époque, c'est un lieu d'abord encore très mal défini dans la théologie chrétienne. On en discutera encore jusqu'au concile de Florence, c'est-à-dire presque au milieu du XVe siècle, de savoir ce que c'est les limbes. Les limbes, c'est une invention pour régler un problème théologique et un problème presque humaniste. Pour répondre à la question qu'ont inventé les théologiens chrétiens, qu'est-ce qu'on fait des patriarches, ces patriarches bibliques, on ne peut pas les condamner à l'enfer, et qu'est-ce qu'on fait des petits-enfants morts sans baptême? Et jusque très tard, des théologiens chrétiens refuseront qu'on mette les petits-enfants morts sans baptême ailleurs qu'en enfer. Donc on invente ces limbes. À l'époque de Dante, c'est encore un espace très mal balisé théologiquement. Bon. Donc il en fait lui... Parce qu'il y a une géographie quand même. Il y a une géographie très complexe. De l'enfer et de l'itinéraire qu'on va suivre tout au long de la Divine Comédie. De l'itinéraire, ça peut-être on peut dire un mot de la gravure de Botticelli à ce sujet. Mais j'insiste sur le fait qu'il va mettre dans les limbes tous les poètes païens, tous les philosophes de l'Antiquité, quelques grands personnages de l'Antiquité, dont César, ça c'est un choix politique de sa part, il prend le parti de César contre les assassins de César qu'on va trouver dans la gueule de Lucifer dans le dernier chant de l'enfer. Ça c'est très important à nouveau parce que c'est pas tout à fait la renaissance de l'Antiquité païenne, mais en tout cas elle commence déjà d'être sortie de l'enfer en étant dans ses limbes. Alors justement, puisqu'il nous reste que quelques minutes avant d'ouvrir les portes de l'enfer, ça sera suspendu jusqu'à demain évidemment, il faut qu'on puisse se figurer où nous sommes, et Botticelli, parmi tant d'autres d'ailleurs, est l'un de ceux qui a voulu représenter visuellement donc le trajet que nous allons effectuer. Alors j'ai sous les yeux une des gravures qui montre bien la carte de l'enfer, ça ressemble, on la mettra en ligne aussi, ça ressemble à une sorte de tour de Babel à l'envers. C'est une tour de Babel à l'envers, c'est une pyramide inversée, c'est un entonnoir, c'est le résultat de ce qu'au moment de la création, Lucifer a été jeté violemment sur la terre et ça a créé un gouffre. La gravure de Botticelli, un mot, c'est une grande planche en couleur au début d'un manuscrit très long qui illustre presque tous les chants de la comédie jusqu'au bout, sauf les tout premiers. C'est ça, il y a le texte d'un côté et le dessin de l'autre. Le texte d'un côté recto verso. C'est ça. Voilà. On ne montre, on ne voit, on ne reproduit que le recto, les gravures. Mais le texte calligraphié au dos est très beau. Il y a une très belle édition, Diane de Sellier, de cette comédie illustré par Botticelli, la traduction. Oui, il y a beaucoup d'autres dessins. Des dessins de tous les chants, sauf quelques-uns. On voit les corps s'entre-dévorer. On les voit s'entre-dévorer, mais quand on arrive au paradis, on est dans la la quintessence de la Renaissance italienne, florentine, médicéenne. On est dans la pureté absolue du dessin de Botticelli, ces femmes qui enchantaient le jeune Abi Warburg, le mouvement des cheveux, le mouvement des drapés, des pieds, des mains, etc. Là, on est dans une carte de l'enfer. C'est la seule planche qui soit coloriée. Oui. Bon, Botticelli donc a réalisé ça dans les années 1485-1500. Donc il faut la regarder de haut en bas, de droite à gauche, en suivant le colimaçon qui figure les différents champs de l'enfer. Et on descend tout en bas. On a Lucifer qui tient dans sa gueule trois personnages qui sont les traîtres. Le traître par excellence pour les chrétiens, Judas, et puis deux traîtres pour Dante, que sont les assassins de César, Cassius et Brutus. Ça, c'est une prise de position politique très forte. C'est la position politique pour laquelle, n'oublions pas, hein, qu'il a été condamné à mort deux fois dans sa vie. On n'a pas eu le temps de dire deux mots sur sa biographie, mais Dante est quelqu'un qui a été condamné deux fois à mort pour ses opinions et son action politique. Dante n'est pas un contemplatif. Dante est quelqu'un qui a mené un combat politique dans les méandres de la politique florentine de son époque. C'est que persécution et art d'écrire, il n'y a pas beaucoup d'écrivains pour qui ça a été à ce point quelque chose de vécu. Deux fois dans sa vie, il a été condamné à mort. Voilà, donc on a une magnifique représentation, figuration de cette carte de l'enfer. La représentation et même la mesure de l'enfer, ça a encore intéressé, là on est déjà plus à l'aube de la science moderne, ça a encore intéressé Galilée. Le jeune Galilée a écrit des leçons sur l'enfer de Dante. Il désigne d'ailleurs Dante comme chorégraphe et architecte. Magnifique définition de la comédie. Dante est architecte, il nous construit une architecture absolument extraordinaire. Vous en tapez le micro. Il construit des villes, des châteaux, il décrit des montagnes, des gouffres, des précipices et chorégraphe. Parce que la comédie, c'est un texte qui est animé de personnages. C'est vrai. Et on va continuer. Architecte, chorégraphe, je crois que ça nous donne une bonne manière de continuer, d'avoir envie de continuer. Et on va continuer à danser en sa compagnie. Toute la question, effectivement, est de savoir si une fois qu'on arrive tout en bas de l'enfer, tel qu'on le voit dans le dessin représenté par Botticelli, bien, comment remonte-t-on au purgatoire et au paradis? On aura la réponse cette semaine. On va rencontrer Satan lui-même. Enfin, tout un programme qui vous attend. On se quitte avec un enfer beaucoup plus contemporain. Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité? Mais faut bien se changer les idées, pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête, c'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Et oui, c'est l'enfer de Stromae. Merci infiniment Pierre Bourrette d'être venu ouvrir cette semaine. Merci infiniment Adèle Vendrette, et peut-être nous retrouvons-nous Du coup, t'as dit paradis. On parlait du purgatoire et du paradis. Ce serait avec grand plaisir. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, avant la suite de l'enfer de Dante demain, c'est l'heure de retrouver, comme tous les jours, la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Comment surgit le sentiment de liberté ? Pour parler de la liberté, on peut partir d'une phrase très remarquable de Jean-Paul Sartre, une phrase remarquable non seulement par son contenu, c'est normal chez ce philosophe de la liberté, mais par son objet et aussi son contexte. Il s'agit en effet de la première phrase d'un article de Sartre intitulé « La liberté cartésienne » qui est paru en préface d'un recueil de textes de Descartes sur la liberté, juste après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, dans une collection très importante, ouverte en Suisse, mais publiée enfin en France, intitulée « Les classiques de la liberté ». On revient à la liberté juste après l'expérience de sa perte dans la Seconde Guerre mondiale et dans le totalitarisme. La liberté cartésienne, quelle est la première phrase de ce texte très important de Jean-Paul Sartre ? Il dit la chose suivante, « La liberté est une, mais elle se manifeste diversement selon les circonstances. À tous les philosophes qui s'en font les défenseurs, il est permis de poser une question préalable à propos de quelle situation privilégiée avez-vous fait l'expérience de votre liberté. Et la thèse de Sartre, c'est que chaque grand philosophe de la liberté est parti d'une expérience. Et par exemple, pour Descartes, c'est la liberté de l'esprit dans les mathématiques qui nous donne l'expérience de la liberté, laquelle se généralise ensuite à toute notre vie, à cette capacité de l'esprit d'accepter ou de refuser, qui définit en effet, pour Descartes, la liberté. Et pour Sartre lui-même, ce sera la liberté de l'écrivain, la liberté de donner sens à la vie que toute existence humaine, que toute conscience a toujours dans toute situation. Le mot « situation » d'ailleurs étant essentiel pour Sartre. Mais Sartre a-t-il raison jusqu'au bout ? Toute situation peut-elle donner lieu à une philosophie de la liberté ? Il a raison pour les philosophies singulières, mais il y a quand même des situations typiques, des situations que chacun vit, des expériences fondamentales qui font surgir chez chacun de nous le sentiment de la liberté. Il y en a trois que l'on retrouve chez tous les humains d'une manière ou d'une autre et qui ont une caractéristique très importante, c'est de mêler le sentiment positif et aussi l'expérience négative au cœur de l'expérience de la liberté. La première, peut-être le surgissement initial de l'expérience de la liberté, c'est celle de sa limitation, c'est celle du pouvoir. C'est quand quelqu'un nous fait violence, nous force à faire quelque chose, alors nous nous écrions « mais tu n'as pas le droit, je suis libre ». Et l'expérience de la liberté surgit dans l'expérience de la violation ou du pouvoir. La deuxième expérience qui semble plus positive, c'est celle de la libération dans un espace justement dépourvu d'obstacles, par exemple une plage au soleil. Mais là aussi, on découvre que c'est une expérience qui a une part de négativité puisque elle suppose une délivrance, une sortie d'un enfermement. Et enfin, l'expérience peut-être la plus profonde, c'est l'expérience du choix. Être libre, c'est avoir le choix et assumer aussi les conséquences. Ainsi, la liberté part toujours aussi d'une expérience négative et sa positivité rayonne sur l'universel. Quand je dis « tu n'as pas le droit », c'est que tout le monde est libre. Quand je m'ouvre sur l'espace, c'est que la liberté me réunit avec le monde et ne me coupe pas simplement des obstacles. Et enfin, quand j'ai le choix, j'en assume les conséquences, mais c'est aussi pour gouverner ma propre vie. Merci Frédéric Worms. Votre chronique « Le pourquoi du comment » est à réécouter sur le site de France Culture et évidemment à podcaster. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie que je suis tellement ravie de retrouver. Un merci tout particulier évidemment à Géraldine Mosna-Savoie qui a tenu la barque pendant ces trois mois. Vous êtes tous, vous ne tarissez pas d'éloges à son sujet, je vous donne évidemment raison. Et vous la retrouvez, sachez-le, tous les matins dans les matins de France Culture. Elle a repris sa chronique, son carnet de philo, donc vous pouvez, elle n'a pas disparu. Vous pouvez toujours l'entendre tous les matins dans la matinale de Culture. L'équipe des Chemins de la Philosophie, c'est Jules Barbier, Manon de la Selle, Carla Michel, Antoine Ravon, Anaïs Isbert. C'est Laurence Malonda qui a réalisé pour vous cette émission. Clara Galivelle à la prise de son. Bernard Gabel à la lecture des textes. Et demain, suite de l'enfer, Dante, maudit soit l'amour.